Le restaurant Midas de Saint-Félicien vous annonce que son comptoir laitier est maintenant ouvert. Et pour le mois de juin, on vous offre en spécial la coupe glacée à 3$ plus taxes seulement. Profitez-en pour venir essayer le Bubble Tea servi en 8 saveurs décaféinées, auquel vous pouvez même ajouter des bulles de fusion. Venez profiter de ce rabais du mois de juin, la coupe glacée à 3$ plus taxes seulement au restaurant Midas, 1084 route 169 Saint-Félicien, 679 0900. Toute l'équipe du restaurant Midas invite la population à participer aux activités des régates de Saint-Félicien. Pour vos fringales de juin, pensez Restaurant Midas Saint-Félicien. La 10e édition du Festival des biens extrêmes débute ce week-end avec une programmation complètement disjonctée. Ça débute jeudi avec un tournoi de poker, suivi d'un vendredi 100% rock, samedi, championnat du monde de pédalo, jeux gonflables, hommage aux Beatles, et dimanche, championnat régional de motocross et après-midi country sous le chapiteau, suivi de la tourtière extrême, chaise musicale, feu d'artifice et Geno Music. Cet été, les disjonctés habitent bien Ville Pascal. Salut Danny, comment ça va? Ça va bien Pascal. Deux fois qu'on se parle cette semaine. C'est signe que le basket est de plus en plus populaire, hein? Ouais, est-ce que tu t'es remis de tes émotions de la semaine passée? Ah, regarde, je suis vraiment content, moi. Écoute, je suis vraiment, vraiment content. Pascal, on va parler du repêchage, parce que ça, c'est tout. On faisait toujours ça. Est-ce que c'est le meilleur repêchage des 10-15 dernières années dans la NBA? Ben, je dirais que c'est potentiellement un des meilleurs. Pourquoi? À cause de Zion Williamson, qu'on compare un peu à LeBron James, un joueur, un athlète, un phénomène qui vient très rarement dans la NBA. Donc, je pense que c'est intéressant, mais il y a de très bons joueurs, dont Ja Morant qui arrive de nulle part. Puis il y a deux ans, Danny, on parlait pas de ce joueur-là dans les top 100. Puis là, on parle du numéro 2 repêchage. Et puis c'est sûr, le Canadien R.J. Barrett. Tous des joueurs qu'on considère des futurs joueurs étoiles dans la NBA. Oui, effectivement. Mais est-ce que je me trompe en disant que Cameron Reddish a été une déception un peu? Parce que je me rappelle très bien l'an passé, lorsque les trois se sont commis, on disait c'est 1, 2, 3, ça va être Barrett, Wellington et Reddish. Est-ce que je me trompe? Oui, je pense que Reddish a eu de la misère à Duke au niveau de s'ajuster, au niveau de ce qu'on s'attendait de lui à cause justement de l'explosion de Zion et de R.J. Barrett qui dominait presque tout, Danny, là, les points, les assists, les rebonds. Donc, Cam Reddish, on dirait qu'il a eu de la misère à trouver sa place, mais Cam Reddish, 6 pieds 8, 6 pieds 9, excellent tir extérieur. Je pense que c'est un joueur qui va en surprendre beaucoup dans la NBA. Selon moi, il va être meilleur dans la NBA qu'il était à Duke, juste au niveau de type de jeu. La défensive, et c'est un excellent tireur extérieur. Donc, je pense que pour Cam Reddish, là, il va probablement avoir une meilleure saison dans la NBA qu'il y a eu à Duke. Ah oui, ben, OK. Donc, on va suivre ça de très, très près. Évidemment, pour le Canada, ça va être intéressant. On parle que 4 Canadiens pourraient être repêchés. Il y a même, sous le radar, on parle de 10, mais ça me surprend qu'on soit de la 10. Entre 3 et 5, c'est possible, hein? Mais 3 et 5, si je pense que le record dans une année, je pense que l'année d'Anthony Bennett avec Thompson, avec les Cavaliers, on avait eu 4 Canadiens. Donc là, on parle de potentiellement 5 presque sûrs. On pourrait battre le record, donc c'est le fun. On aurait le record du plus grand nombre de joueurs canadiens dans un repêchage, l'année que les Raptors aient gagné le championnat. La plupart de ces joueurs-là, Danny, faut pas se mentir, c'est des kids qui viennent de Toronto. Mm. Mais on a probablement un jeune de Montréal qui est Lugans Dor, qui risque d'être, je pense qu'on parle de milieu de la deuxième ronde. Mais c'est un jeune qui c'est pas clair, hein. Certains disent fin de première, début de deuxième. Mais le site que je t'ai déjà parlé, NBADraft.net, okay, oui. Depuis que je le suis en 2000-2001, là, il est pas mal où on s'en va. Je pense que ce qui a fait mal un petit peu à Lugans, c'est qu'on le listait, il y a certains endroits qui parlaient même de 6 pieds 5, mais à Chicago, quand on fait les poids, grandeur, les bras, tout ça, on prend les mesures, il était seulement 6 pieds 8 et demi. Donc, ça l'a peut-être fait un petit peu, puis c'est pas nécessairement le meilleur tireur, mais c'est un athlète, pour moi, c'est un meilleur athlète du repêchage, et mon feeling, c'est que Lugans, il vient de loin, donc félicitations pour être dans cette position-là. Une année dans la NCAA, déclare pour le repêchage. Donc, c'est vraiment exceptionnel pour un jeune de Montréal. Et puis, on souhaite... c'est sûr que moi, je croise mes doigts pour son premier round parce que c'est 3 ans minimum garanti. Mais s'il est en deuxième ronde, souvent c'est parce que c'est une équipe qui pourra vraiment te donner une chance. Est-ce que c'est une erreur? D'avoir sorti. S'il sort en deuxième ronde, c'est tout le maudit risque, hein? S'il sort en deuxième ronde. Personnellement, il n'y a pas d'erreur si tu peux être repêché pour la simple raison que ta fenêtre pour jouer au basket. Là, on parle déjà que LeBron, à sa 17e saison, il va avoir 35 ans. Sa carrière est plus près de la fin que le début. On est d'accord avec ça? Oui, c'est sûr. Fait que si tu as 20-21 ans, tu as une chance d'être repêché, vas-y. Sinon, on va jouer en Europe. Mais ta fenêtre pour être un joueur de basketball professionnel, elle est courte. Et c'est sûr que si tu fais 4 années d'université, tu rentres à la NCAA à 24-25 ans, ben si on calcule, je te donne un exemple, mettons Lugans, il signe un contrat de way à 500-600 000, mais ça a déjà valu la peine sa décision, tu comprends ce que je veux dire? Fait que à ce niveau-là, c'est important de voir l'opportunité, puis on parle avec les agents, on voit qu'est-ce qu'il y en est. Est-ce qu'il aurait pu rester une autre année et puis être premier choix? Peut-être pas. Peut-être que qu'il reste un an ou quatre, il serait peut-être dans la même position. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Tout aussi bien de moi, je suis d'accord avec sa décision de se mettre dans le repêchage. OK. Donc, normalement, ça devrait être R.G. Barrett le premier. Le deuxième, on parle de... Zion le premier. Non, mais le premier Canadien, je te parle. Premier Canadien, absolument. Brandon Clark, deuxième? Oui. Brandon Clark, deuxième. Donc, l'NBA draft.net le met au 20e rang. Par la suite, c'est qui qu'on pourrait voir au troisième rang, le troisième Canadien? Bonne question. Moi, j'ai porté plus attention à Lugans parce que c'est un gars de Montréal. Okay. Ouais, okay. Donc, mais je pense qu'on peut voir. Je pense qu'on en a peut-être même trois potentiels en première ronde canadien. Ouais. Et deux en deuxième ronde. Donc, on va suivre ça d'après. L'énigme du repêchage chez Bo Bolt, le fils de Melo Bolt. Ouais. C'est l'énigme, hein? J'ai vu une vidéo la semaine passée. Il intrigue beaucoup, beaucoup de gens parce que. Pour un joueur, je pense qu'il est 7 pieds 2 pouces. Ouais. Il est très long. Il a été blessé cette année, mais la semaine passée, dans un des entraînements qu'il faisait, on l'a vu prendre des tirs de 3 points à profusion. Mais ce qui est impressionnant et où les recruteurs NBA sont vraiment impressionnés, c'est son dribble. Il a un excellent dribble pour un joueur de cette taille-là. Il se déplace très bien. Moi, je pense que c'est un joueur qui risque de monter dans le repêchage. Puis malheureusement, il a été blessé, mais je pense que c'est un joueur qui va avoir une bonne carrière NBA. Puis, est-ce qu'il est meilleur que son père? Ben, techniquement, oui. Okay. Il est un petit peu moins grand que son père, mais disons la vérité, Danny, là, il est bien meilleur que son père. OK, OK. Donc, lui, c'est l'énigme. Il a été blessé l'an passé, puis ce qui fait en sorte que c'est l'énigme. Donc ça va être intéressant à suivre. Pascal, c'est vraiment, on va faire une pause et on revient dans quelques instants, on va parler de l'actualité dans la NBA. Vous êtes à l'écoute d'une entrevue avec Pascal Jobin sur la NBA et le repêchage sur les ondes de DenRadioSport.com. La 10e édition du Festival des biens extrêmes débute ce week-end avec une programmation complètement disjonctée. Ça débute jeudi avec un tournoi de poker, suivi d'un vendredi 100% rock, samedi championnat du monde de pédalo, jeu gonflable, hommage aux Beatles et dimanche championnat régional de motocross et après-midi country sous le chapiteau, suivi de la tourtière extrême, chaise musicale, feu d'artifice et génomusique. Cet été, bien disjoncté à des biens, ville de l'extrême. Le restaurant Midas de Saint-Félicien vous annonce que son comptoir laitier est maintenant ouvert. Et pour le mois de juin, on vous offre en spécial la coupe glacée à 3$ plus taxes seulement. Profitez-en pour venir essayer le Bubble Tea servi en 8 saveurs décaféinées auxquelles vous pouvez même ajouter des bulles de fusion. Venez profiter de ce rabais du mois de juin. La coupe glacée à 3$ plus taxes seulement au restaurant Midas. 1084 route 169 Saint-Félicien. 679-0900. Toute l'équipe du restaurant Midas invite la population à participer aux activités des régates de Saint-Félicien. Pour vos fringales de juin, pensez Restaurant Midas Saint-Félicien. On est retour à DenRadioSport.com. Pascal, il s'est passé de l'actu... Mike Conley qui a été échangé hier. On l'a payé cher, hein? Oui. Mais du côté de Utah, on est super content parce que... on sait que Ricky Rubio n'a probablement pas signé. C'est pas nécessairement le joueur qu'on voulait. Ouais. Mike Conley est quand même dans top de son dans sa carrière en ce moment. C'est probablement l'opportunité qu'ils ont d'avancer dans les séries. Et pour Memphis, c'était facile. On voulait se débarrasser du meneur qui est là depuis le début. Pourquoi? Pour donner la place à Ja Morant. Et c'est la preuve comme quoi on a tout donné à Ja Morant. Il va être repêché numéro 2 par Memphis. Je serais très surpris que quelque chose d'autre arrive. On a donné la clé de la ville à Memphis à Ja Morant. Et la meilleure preuve, c'est d'avoir échangé Mike Conley. Mais très bon échange pour Utah. Ça faisait 12 ans que Mike Conley était avec... donc, ça faisait partie des meubles à Memphis. Là, mais tu sais, quand tu ne gagnes pas, maintenant, puis Grizzlies, ça va pas si bien que ça. Là, et je dirais Mike Conley, c'est probablement le meilleur joueur que les gens ne connaissent pas. Un des meilleurs meneurs, c'est dépendamment avec qui il joue. Petit marché. C'est un joueur étoile, exactement. Memphis, petit marché. Mais c'est un joueur, selon moi, là, un des top meneurs dans la NBA facilement. Saison après saison. OK. Maintenant, il y a une rumeur qui circule. Est-ce que c'est vrai que Chris Paul et James Harden sont à couteau tiré? Selon Stephen Smith, qui a admis qu'avoir parlé avec Chris Paul il y a 2 jours, c'est pas vrai. Okay. Ils se sont pas parlé. On a vu pendant la saison, pendant les playoffs, on les a vus peut-être se parler, ce qui se passe souvent dans des matchs de basketball. On a déjà vu LeBron James, Kyrie Irving presque s'engueuler. Mm. Je pense que Chris Paul et James Harden avaient certaines choses à régler. Quand la saison a fini, ils ont pas communiqué ensemble pendant un certain temps, mais supposément que dernièrement, ils ont communiqué ensemble. Mais Chris Paul nie complètement les rumeurs. Comme quoi il avait été voir les propriétaires pour demander un échange. Il nie ça complètement. Et tu sais, Danny, on a donné à Chris Paul un contrat là, ridicule. Mm. Il est pas échangeable. Honnêtement, là, il est vraiment pas échangeable. Okay. Je pense que c'est 4 ans, 140 millions. Là, fait que, Chris Paul, il est plus vers la fin de sa carrière, encore plus que LeBron James à 36 ans. Mais c'est une histoire à suivre. Parce que même si Chris Paul nie ce qui est passé entre lui et James Harden, entre nous deux, Danny, là, ça va pas bien. Selon moi, ça va pas bien. OK. Et il n'y a pas l'entraîneur qui est parti également? Non, Mike D'Antoni. Ou qui se barre le parti, ouais. Non, mais c'est parce qu'on est en négociation pour une extension de contrat. Il reste une autre année. On a arrêté les négociations. Donc, on le garde pour une autre saison. Et là, supposément qu'on va reprendre les négociations de contrat. OK. Masai Ujiri, semble-t-il que c'est pas vrai? Bien content, moi. Pour Washington? Ouais. Ah, écoute, je pense que ils vont avoir des offres, mais je pense que si Kawhi quitte Toronto, je serais pas surpris de voir Masai quitter Toronto. OK. Je pense que ça va jouer avec ça. OK. S'il est capable de garder cette équipe-là intacte pour la saison prochaine, il va rester. Ça va prendre une offre immense pour qu'il quitte. Mais tu sais, Danny, dans cette business de sport-là, t'es bon, regarde. Mm. Masai Ujiri a mis dehors le coach de l'année dans la NBA. Ouais. Danny. Oh ouais. Ça veut dire que là, tout le monde est en amour avec Masai Ujiri. Maintenant, si l'année prochaine, il n'y a pas de changement, Marc Gasol, il performe pas, Kawhi, il est blessé pendant la saison, ça va pas bien, blablabla. C'est comme si ton étoile a peur de la luminosité. Oh, mais... moi, je serais pas surpris que Masai Ujiri, il y a plusieurs organisations qui sont prêtes à aller le chercher, mais c'est pas fait encore. Mais c'est sûr que si Kawhi est la rumeur, parce que je pense que c'est ta prochaine question avec Kawhi Leonard, je pense, moi je m'attends à voir quitter pour les Clippers de Los Angeles. Tu parles de Kawhi ou de Kawhi Leonard? Kawhi, c'est des rumeurs qui circulent. Hein. Kawhi, c'est les Clippers ou les Raptors. Et selon hier, je dis. Ouais. C'est déjà bon que les Raptors soient dans le scénario. Ouais. Ben hier, je parlais d'écouter Ray Lalonde hier, au 98.5, puis Ray disait que lui, il serait pas surpris de voir. Ben, un peu comme toi, il disait qu'Hawaii va signer probablement pour 2 ans avec les Raptors, 1 an plus une année d'option avec le joueur. Exactement. Ça va ressembler pas mal à ça. Ça ressemble à ça, ouais. Ouais. Hey, je suis sur NBA Insider, un très très bon site que tu connais d'ailleurs. On dit que Peter Vassy, qui est un des insiders à New York, mentionne que les Knicks, et ça c'est pas d'hier, que les Knicks et les Pelicans travailleraient fort sur une transaction. Et les Pelicans voudraient absolument réunir R.J. Barrett et Zion Williamson. Est-ce que tu crois ça? Absolument. Ouais. Moi, je pense que les Knicks vont repêcher R.J. Barrett, numéro 3. Et les Pelicans vont repêcher Garland de Vanderbilt, Darius Garland. Et les Pelicans vont échanger le 4e choix à New York. Donc, New York va envoyer R.J. à Pelicans. Vu qu'ils ont le 3e choix, les Knicks, ils sont capables de demander pour le quatrième choix un petit peu plus. Tu comprends? Mm. Et peut-être qu'ils vont aller chercher un gars comme Julius Randle. Ils vont peut-être aller chercher un joueur des Pelicans qui va avec. Fait que le quatrième choix avec un joueur des Pelicans pour RJ Barrett. Moi, je pense que c'est ça qui va se passer ce soir. OK. Donc, on va suivre ça de très près. Pascal, on s'en parle la semaine prochaine parce que la semaine prochaine, il va peut-être avoir du développement dans le dossier Kawhi. Avec plaisir. Donc, Pascal Jobin, la chronique de la NBA.